بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala en cette nuit du 29 Rabi' 2441 qui correspond au 26 décembre 2019. On prend notre cinquième leçon dans cette risala intitulée « Le droit du prophète alayhi salatu salam » de Cheikh Abdallah al-Bukhari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et allonge sa vie dans son obéissance. En Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun doute que chaque construction doit être basée sur une fondation solide. La fondation principale de l'islam, c'est que le culte doit être voué uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah doit être adoré parce qu'il a légiféré subhanahu wa ta'ala par le biais de Muhammad alayhi salatu wa salam. Et c'est ça la réalité, la signification du premier pilier de l'islam, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dévie de cela est dans un grand danger, un danger qui n'a pas d'égal. Et vu l'importance de ces deux fondements, les hommes de science disent, vu l'importance de ces deux fondements, il est obligatoire à tout musulman de connaître la signification de chacun de ses fondements et de connaître ses obligations d'une connaissance qu'il fait sortir du domaine de l'ignorance. Et il doit s'y cramponner au niveau des croyances, des paroles et des actes pour avoir le grand gain et la grande réussite dans ce bas monde et dans le delà. D'où l'importance de cette risala que nous étudions, le droit du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est courte, mais qui nous donne une grande idée sur les principaux droits de notre messager, alayhi salatu wassalam. Surtout que nous vivons à une époque où beaucoup de gens ont dévié de la voie droite. Et regardez autour de vous ce qui se passe actuellement pendant cette période de fête de fin d'année. Et ce que font certains de la communauté musulmane durant ces fêtes, Wallahu al-Musta'an. Il est obligatoire pour nous d'étudier ces deux fondements et de les enseigner à ceux qui sont, de les mettre en application et de les enseigner à ceux qui sont sous notre responsabilité et à ceux à qui nous pouvons parmi les musulmans. Ceci dit, revenons au sujet de cette risala. Donc nous avons vu, après l'introduction que Cheikh Abdallah a fait, il a traité le premier droit du prophète alayhi salatu wassalam, qui est le fait de croire en le prophète alayhi salatu wassalam et en son message. Et le deuxième droit, c'est le fait de lui obéir et de suivre sa sunna. Et le troisième droit, c'est le fait d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, nous allons entamer l'étude du quatrième droit du messager alayhi salatu wassalam, qui est l'obligation de soutenir le messager alayhi salatu wassalam, le soutenir, le respecter, le référencier, l'élever à la place qui lui est due sans exagération et sans laxisme. يقول الشيخ عبد الله حفظه الله الحق الرابع وجوب تعزيره عليه الصلاة والسلام وتوقيره وتعظيمه. Donc il dit, حفظه الله تعالى, le quatrième droit, l'obligation de soutenir le messager عليه الصلاة والسلام, de le respecter, de le révérencier, de l'élever à la place qui lui est due. يقول حفظه الله إن من تمام حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته نصرته نصرته وتوقيره واحترامه وتعزيره، كما قال الله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ويقول جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Donc il dit, Habibullah Ta'ala, fait partie de l'intégralité des droits du prophète ﷺ, le fait de le soutenir, de le respecter, de le révérencier, de l'estimer comme il est, comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative, nous dit ceci: pour que vous croyiez en Allah et en son messager, et que vous le faites triompher, et que vous le respectez. Le fait, verset numéro 9. Et l'autre verset dans Surat Al-A'raf, 157, où il est dit: ceux qui croient, dont la traduction approximative nous dit ceci: ceux qui croient en lui, c'est-à-dire en le prophète al-Islam, et qui l'ont soutenu et ont suivi la lumière descendue avec, ceux-là sont les gagnants. Ceux-là sont les gagnants, c'est-à-dire ceux qui l'ont soutenu, qui le soutiennent, qui le suivent, et qui suivent la lumière descendue avec, ceux-là sont les gagnants. يقول حفظه الله: وهذا يسوقنا إلى المطلب الأول في معنى التعزير. التعزير هناك أقوال عدة يجمعها ما قاله شيخ الإسلام: اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه. إذن كي حفظه الله تعالى cela nous amène à parler du premier paragraphe dans ce droit, dans ce quatrième droit, qui est la signification de ta'zir. Qu'est-ce que ça veut dire ta'zir? Ta'zir, il y a beaucoup de paroles d'hommes de science concernant ce terme. Mais tous sont réunis dans ce qu'a dit Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans Sarim al-Masloul. Il a dit, rahmatullah alayh, c'est un mot synthèse, qui veut dire le soutenir, l'épauler, le défendre de tout ce qui peut lui faire du mal. Voici ce que ça veut dire ta'zir. واما التوقير فمعناه التعظيم. يقول الحافظ الامام ابن جرير: التوقير هو التعظيم والاجلال والتفخيم. Quant à la signification du tawqir, comme il a dit الحافظ الامام ابن جرير dans l'explication qu'il a fait du Coran, Jami' al-Bayan, il a dit, c'est le révérencier, lui reconnaître la noblesse qui lui est due, lui reconnaître la place qu'Allah lui a donnée, يقول الشيخ عبد الله: المطلب الثاني ذكر بعض مظاهر توقيره واحترامه عليه الصلاة والسلام في حياته. إن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره شعبة عظيمة من شعب الإيمان، لذا نجد أن ثمة مظاهر يجب أن يتحلى بها المؤمن تأدبا معه صلى الله عليه وسلم واحتراما وتوقيرا. إيه حفظه الله تعالى. Le deuxième paragraphe dans ce quatrième droit, c'est le fait de citer certains aspects de la révérence et du respect du prophète alayhi salatu wassalam durant sa vie. Révérencier le prophète alayhi salatu wassalam, le respecter, est une grande branche parmi les branches de la foi. C'est pour ça qu'il y a certains aspects que le croyant doit observer par bon comportement et par respect et révérence du prophète alayhi salatu wassalam. يقول حفظه الله: فمن ذلك تحريم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Et fait partie de cela, parmi cela, l'interdiction de le devancer dans la parole jusqu'à ce qu'il le permette et jusqu'à ce qu'il l'autorise, alayhi salatu wassalam. Comme il est dit dans la traduction approximative du verset cité ici, où il est dit, ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. كذلك تحريم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل وهذا من تمام الأدب وكمال أدب الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام استجابة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Et aussi, il est interdit d'élever la voix au-dessus de la voix du prophète عليه الصلاة والسلام. On n'a pas le droit de hausser le ton en lui parlant عليه الصلاة والسلام. Comme les uns le font avec les autres. Et ça, ça fait partie de l'intégralité du bon comportement et de la bonne manière de s'adresser au prophète alayhi salatu wassalam. Et on met en application dans ces cas-là, ainsi, on met en application le verset dont la traduction approximative nous dit ceci. Ou vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Il ne haussait pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres. Sinon, vos œuvres deviendront vaines sans que vous vous en rendiez compte. وقد شدد الفاروق رضي الله تعالى عنه النكير على رجلين رفع أصواتهما في المسجد النبوي. فيقول السائب بن يزيد كنت قائما في المسجد فحصبني رجل بحصاة فنظرت إليه فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فقال اذهب فأتني بهذين قال فجئت بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما يعني ضربا ترفعاني أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكرا عليهما أخرجه البخاري في الصحيح باب رفع الصوت في المسجد. Et méditons maintenant cette position de Farouq رضي الله تعالى عنه وارضاه qui a été sévère dans sa façon de blâmer deux hommes qui ont élevé leur voix dans la mosquée du prophète عليه الصلاة والسلام. De cette façon, comment il les a blâmés quand ces deux hommes ont élevé leur voix dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Le Bukhari, rahimahullah, rapporte de Sa'ib ibn Yazid qui dit, j'ai été debout à la mosquée, un homme m'a lancé une pierre, une petite pierre. J'ai regardé, c'était Omar ibn Khattab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agré. Il m'a dit, va me chercher ces deux-là. Je les ai ramenés à Omar. Omar leur a dit, qui êtes-vous et d'où êtes-vous? Ils ont dit, nous sommes des gens de Taif. Il leur a dit, si vous étiez de la ville, c'est-à-dire de Médine, je vous aurais fait mal, c'est-à-dire je vous aurais frappé en vous faisant mal. Vous haussez la voix dans la mosquée du messager, alayhi salatu wassalam, blâmant ainsi et les avouant ce qu'ils ont fait. Imam Bukhari l'a rapporté dans le chapitre, dans son authentique, dans le chapitre élever la voix dans la mosquée. يقول الشيخ عبد الله حفظه الله إن الله ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات فوصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون ثم أرشد إلى الأدب في ذلك معه فقال جل جلاله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. Il dit, Habidallah, subhanahu wa ta'ala, Allah a blâmé ceux qu'il appelle de derrière ses appartements. Ils sont dehors, ils appellent de derrière les murs. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, les a décrits ainsi. Il les a décrits comme quoi que la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et Allah les a orientés vers la manière et le comportement pour appeler le messager, alayhi salatu wassalam. Comme il est dit, dans le verset, dans sa traduction approximative du sens, et si ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour eux, au lieu de l'appeler de derrière les, Le mur des appartements, ah, la bonne manière, c'est de patienter jusqu'à ce qu'ils sortent vers eux. يقول الشيخ عبد الله حفظه الله المطلب الثالث في تعظيم الأمة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته النبي الكريم العظيم صلوات ربي وسلامه عليه الأمة مطالبة بتعظيمه حيا ومر بيان ذلك وبعد مماته عليه الصلاة والسلام تعظيما بالقلب وتعظيما باللسان وتعظيما بالجوارح. Et le troisième paragraphe concerne la révérence de la communauté envers le prophète alayhi salatu wasalam après sa mort. La révérence qui est due à ce messager alayhi salatu wasalam même après sa mort. Il dit, Hafidhahullah ta'ala, il est demandé à la communauté de révérencier le prophète vivant. Et nous avons vu cela comme il est demandé à la communauté de le révérencier mort. Avec leur cœur, avec leur langue, avec les membres de leur corps. يقول حفظه الله فأما تعظيمه بالقلب فيكون باعتقاده باعتقاد كونه عبدا رسولا لله جل جلاله وتقديم محبته على محبة النفس والولد والأهل والناس أجمعين واستشعار عظمته وجلالة قدره وعظيم شأنه واستحضار محاسنه وكل المعاني الجالبة لمحبته عليه الصلاة والسلام وتوقيره وإجلاله. حفظه الله تعالى كنت أفت le révérencier avec le cœur se concrétise par le fait de croire que c'est un soumis à Allah et c'est un messager d'Allah et de l'aimer plus que sa propre personne, plus que ses enfants, plus que sa famille, plus que tous les gens. Et on doit se présenter dans son esprit sa révérence, sa noble place et sa grandeur, alayhi salatu wassalam, et d'avoir présent dans l'esprit ses qualités et tous les sens qui prodiguent son amour, son respect et sa révérence. Alayhi salatu wassalam. يقول الشيخ عبد الله وتعظيمه باللسان يكون بالثناء عليه صلاة والسلام من غير غلو ولا تقصير إنما الثناء عليه بما هو أهله. Il dit, et le fait de le révérencier avec la langue, si en faisant ses éloges sans exagération et sans laxisme, et de le complémenter, faire ses éloges avec ce qui lui est dû, alayhi salatu wassalam, sans aller à un extrême ou à l'autre. يقول ومن أعظم مظاهر الثناء عليه باللسان الصلاة والسلام عليه. قال الله جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة منا عليه الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم وعليه وسلم وآله وسلم هي من أفضل القربات وأجل الطاعات نتقرب بها إلى الله جل جلاله وهي من الثناء عليه ومن تعظيمه عليه الصلاة والسلام على الوجه المشروع الوارد في الشريعة المطهرة. Et il dit, Hafidhahullah ta'ala, le plus important aspect de l'éloge avec la langue, c'est de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ou vous qui avez cru, priez sur lui, saluez-le. La prière d'Allah concernant son prophète, c'est le fait, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait des éloges. Et la prière des anges et des humains, c'est le demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire des éloges à son prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, Hafidhahullah ta'ala, la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam est l'un des actes d'obéissance les plus méritoires. Il fait partie des meilleurs actes avec lesquels on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait partie des actes avec lesquels on fait ses éloges, on fait les éloges du prophète alayhi salatu wasalam, et on le révérencie comme il est demandé dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. واما تعظيمه عليه الصلاة والسلام بالجوارح فهو العمل بشريعته والتأسي بسنته والأخذ بأوامره واجتناب نواهيه وتحكيمها في الأمور كلها صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها والرضا بحكمه والتسليم وعدم الحرج إذ حفظه الله تعالى كنت فد له révérencier avec les actes des membres du corps, c'est mettre en application sa législation et suivre sa sunna et la prendre comme modèle et mettre en application ses ordres et s'abstenir de ce qu'il a interdit et prendre sa sunna comme juge dans toutes les situations et accepter se soumettre à son jugement sans gêne. يقول حفظه الله والسعي في إظهار دينه عليه الصلاة والسلام ونصرة ما جاء به وتبليغ رسالته للناس ودعوة الناس إلى لزوم سنته والاهتداء بهديه واقتفاء أطره عليه الصلاة والسلام والذب عنه وعن سنته عليه الصلاة والسلام بل والذب عن حملة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن صار على طريقة فاستنى بهديهم وسلك سبيلهم. Il fait aussi partie du fait de le référencier avec les membres du corps, c'est faire des efforts pour faire prévaloir sa religion et la faire triompher et faire triompher ce qui l'a ramené ce prophète alayhi salatu wasalam et transmettre son message à tous les gens. Et appeler les gens à se cramponner à sa sunna. Et appeler les gens à prendre la voie sur laquelle était le prophète alayhi salatu wasalam. Et à suivre le prophète alayhi salatu wasalam. Et aussi fait partie de le faire, hein, de le révérencier alayhi salatu wasalam. Hein, c'est le fait de défendre les porteurs de la sunna du messager alayhi salatu wasalam. Parmi les compagnons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Et ceux qui suivent leur voie. Et la mettre en application. Et يقول حفظه الله وكذلك تعظيمه بالجوارح تعليم الناس هذه السنة وتعلمها والموالاة والمعاداة فيها وفيه وفيها والاجتناب عن كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام والتوبة والاستغفار عن كل تقصير حصل أو خلل وقع. Et aussi fait partie du fait de révérencier le messager عليه الصلاة والسلام avec les membres du corps, c'est apprendre sa sunna. C'est apprendre sa sunna, la mettre en application et l'enseigner aux gens. Et s'allier et désavouer pour sa sunna. Et pour lui, alayhi salatu wasalam, éviter tout ce que le prophète a interdit, et se repentir et demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout laxisme et lacune concernant la sunna du messager, alayhi salatu wasalam. يقول الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته التبوكية إن طاعة الله عز وجل إن طاعة الله عز وجل ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخروج عن طاعته وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Et donc, Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Tabukiya, Cheikh l'Islam, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, dans sa risale Tabukiya, il dit, obéir à Allah et à son messager, et prendre comme juge Allah et son messager, c'est la cause du bonheur dans l'immédiat et dans le futur. celui qui médite le mal dans le monde, c'est que tout mal qui existe dans ce monde, sa cause, c'est la désobéissance au messager alayhi salatu wassalam. Et la divergence avec le messager alayhi salatu wassalam. Et tout bien dans le monde, sa cause, c'est l'obéissance au messager alayhi salatu wassalam. Regarde cette noble parole, claque-la sur notre monde et tu vois comment ces pieux prédécesseurs, radouanallah alayhim, rahimahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la clairvoyance. Regarde, il dit, obéir à Allah et à son messager et prendre comme juge Allah et son messager, c'est la cause du bonheur dans l'immédiat et dans le futur. Celui qui médite le mal dans le monde, c'est que tout mal qui existe dans ce monde, sa cause, c'est la désobéissance au messager alayhi salatu wassalam et la divergence avec. Et tout bien dans le monde, sa cause, c'est l'obéissance au messager alayhi salatu wassalam. Si on veut le bien, le bonheur dans ce bas monde et dans le futur et dans le delà, il faut suivre ce messager alayhi salatu wassalam. وكذلك يقول ابن القيم وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه. ابن القيم toujours dans Tabouki, il dit, il en est de même pour le mal dans le delà et la souffrance dans le delà et les châtiments dans le delà. Il dit, tout cela découle de la divergence avec le messager, alayhi salatu wassalam. Il dit, rahimahullah, donc le mal dans ce bas monde et dans le delà provient de la divergence avec le messager et tout ce qui en découle. Hein? Donc ces paroles sont très claires. Le bonheur, le bien, dans ce bas monde et dans le delà, et dans le fait de suivre ce messager alayhi salatu wassalam, et de mettre en application ses ordres, et de l'aimer plus que soi-même, plus que ses enfants, plus que sa famille, plus que toute autre créature. يقول ابن القيم فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو من الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخروج عنه. ابن القيم يلدي toujours dans Tabouqiya, c'est les gens obéissent au messager عليه الصلاة والسلام comme il se doit. Il n'y aura pas de mal sur terre. Car l'obéissance au messager, c'est la citadelle. Celui qui y rentre sera parmi ceux qui ont la sécurité. Et c'est la caverne. Celui qui s'y refuge sera parmi ceux qui sont sauvés. Il dit, partons de là, on sait que le mal dans ce bas monde et celui de l'au-delà provient de l'ignorance de ce qu'a ramené ce messager alayhi salatu wassalam. Et le fait d'endivier provient de l'ignorance de ce qu'a ramené le Rasoul sallallahu alayhi wasallam et le fait d'endivier, c'est-à-dire de s'en éloigner, de ne pas le mettre en application. يقول ابن القيم رحمه الله وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علما والقيام به عملا. Il dit toujours dans Tabouki رحمه الله تعالى ابن القيم, il dit, ceci est une preuve irréfutable qu'il n'y aura du salut du bonheur pour le soumis à Allah, qu'en prodiguant des efforts à connaître ce qu'a ramené le messager alayhi salatu wassalam. Et une fois qu'il le connaît, il le met en application. Fin de citation. Regarde, ces paroles d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ce sont des paroles très importantes. Regarde, dit, obéir à Allah et à son messager, et prendre comme juge Allah et son messager, c'est la cause du bonheur dans l'immédiat et dans le futur. Il dit, rahmatullah alayh, celui qui médite le mal dans ce monde, c'est que tout mal qui existe dans ce monde, sa cause, c'est la désobéissance et la divergence avec le messager alayhi salatu wassalam. Et tout bien dans ce monde, sa cause, c'est l'obéissance au messager alayhi salatu wassalam. Il dit, rahmatullah alayhi, il en est de même pour le mal dans l'au-delà, et la souffrance dans l'au-delà, et le châtiment dans l'au-delà, tout cela découle de la divergence avec le messager alayhi salatu wassalam. Il dit, rahmatullah alayh, donc le mal dans ce bas monde et dans l'au-delà provient de la divergence avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui en découle, tout ce qui découle de la divergence va être la cause du mal. Ibn Qayyim, il dit aussi, c'est les gens obéir son messager comme il se doit, il n'y aura pas de mal sur terre. Car l'obéissance au messager, c'est la citadelle. Celui qui y rentre sera parmi ceux qui ont la sécurité. Et c'est la caverne. Celui qui s'y refuge sera parmi ceux qui sont sauvés. Partant de là, on sait que le mal de ce bas monde et celui de l'au-delà provient de l'ignorance de ce qu'a ramené le messager alayhi salam. Et le fait d'en dévier et de ne pas le mettre en application. Ibn Qayyim, il dit, ceci est une preuve irréfutable qu'il n'y aura de salut du bonheur pour le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala qu'en prodiguant des efforts à connaître ce qu'a ramené le messager et en le mettant en application. Fin de citation des paroles d'Ibn Qayyim, citées dans Tabouk Iyakoum, il les a cité Cheikh Abdallah. Abdallah ta'ala. Hein? Voilà, il est de notre devoir de parfaire la connaissance de notre messager alayhi salatu wassalam, de connaître ses droits, de le mettre en application pour arriver à ce bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et on arrête là, inshallah, pour aujourd'hui. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum, jazakumullahu khairan.